peut-être nos auditeurs, j'espère, ont lu certains de vos livres, et notamment, j'allais dire, le plus fameux, qui est Armen, qui est un récit que vous avez écrit sur votre expérience passée dans ce phare qui est au large de la Pointe du Raz, le phare d'Armen, dont vous fûtes gardien pendant 6-7 mois, c'est ça? Oh non, un peu plus que ça, pendant 3 ans à peu près. Pendant 3 ans, pardon, excusez-moi. Mais il n'y a pas que les phares qui vous intéressent dans la vie. Vous avez publié aussi Comperque, qu'as-tu vu, en compagnie de votre ami peintre Vonik Karoff, que nous saluons. Plus tard, c'est un nouveau récit, Forcigogne. Et puis aussi, vous avez été au sud de la Mayenne, vous avez été dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye du Port-Salut, que tout le monde connaît à cause du fameux fromage de Port-Salut. Donc vos ports d'attache sont assez diverses, et vous voilà maintenant ici présent. Alors, c'est un titre qui évoque, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça évoque l'appel dans une cour d'école ou de caserne, peu importe, mais de l'appel. Est-ce que c'est ça votre idée, d'écrire un livre où vous répondriez, ce serait le livre d'un homme qui répond présent? C'est un titre qui a surgi en cours de route. Quand j'ai commencé ce récit, je ne savais pas du tout qu'il s'appellerait comme ça. En général, mes livres portent le nom du lieu où ils se déroulent la plupart du temps. Mais Armen, Port du Salut, etc. Et là, ça aurait pu s'appeler Cap Caval, puisque ce pays-là s'appelle Cap Caval, comme j'ai déjà écrit un petit Cap Sizun. C'était dans la continuité. Mais en fait, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Enfin, je suis venu à Saint-Guénolé sur une espèce d'illumination qui succédait à un coup de foudre très ancien. Enfin, il y a 30 ans, j'avais vu Saint-Guénolé, et je m'étais dit, un jour ou l'autre, j'irai là. Puis il se trouve que les circonstances ont fait que, libre de mes mouvements, j'ai pu tout d'un coup le faire dernièrement. Je me suis installé là, mais Saint-Guénolé, son côté fascinant, son port extraordinaire, etc., c'est très joli quand on y passe, mais quand on commence à s'y installer, eh bien, c'est un drôle d'endroit. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui ne connaissent pas le Finistère extrême, où se situe exactement Saint-Guénolé? Alors, Saint-Guénolé se trouve au bout de la pointe de Pinmar, c'est la pointe du bas de la Bretagne. Ceux qui disent que la Bretagne ressemble à une tête de chameau, mais c'est le menton du chameau, si on va dire. J'aime pas beaucoup cette image d'ailleurs, mais voilà, c'est la pointe d'en bas, très différente des autres, en ce qu'elle est extrêmement plate. Alors que le Cap Sizun, la pointe du Raz, vous connaissez, et au-dessus, les falaises sont élevées. Là, c'est très plat. On est donc très très près de la mer. C'est d'ailleurs ce qui en fait l'intérêt. Ça m'a beaucoup rappelé l'île de Sein, d'une certaine façon, qui est également très plate. C'est un peu le même pays. Et surtout, il y a une lumière très particulière, très extraordinaire, que je n'ai vue nulle part ailleurs, et qui est difficile à décrire d'ailleurs. J'ai essayé par quelques biais d'en parler dans mon livre. C'est une lumière vraiment très très étonnante, qui a séduit d'ailleurs le peintre Bazaine, qui vient de mourir là, il y a peu de temps. Il avait une petite maison là-bas, je l'ai bien connu. Pour lui, c'était le monde à l'état brut, avec cette lumière qui change tous les quarts d'heure, comme il disait, le vent qui est plus puissant que les rochers, etc. Enfin, il y a ce monde à l'état brut. Seulement, il n'y a pas que ça. Il y a un petit bourg qui a vécu dans le temps des conserveries, enfin à l'époque de la sardine, etc. Et cette époque est révolue, mais il en reste des traces très importantes, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'usines à l'abandon, de coins déserts, d'arrière-cours où il y a des gravats, des herbes, des orties, enfin toute une ambiance un peu de, comme si c'était passé une sorte de désastre là-dedans. Et donc, en retrait du port, c'est pas un endroit très joli. J'espère que mes voisins vont pas m'en vouloir. Je dirai tellement de bien d'eux après que ce n'est pas grave. Je pense que tout le monde en est d'accord. C'est assez étonnant, quoi. Donc, certains jours, se retrouver tout seul dans cette ambiance, même quand on en a vu d'autres, ça fait un drôle d'effet. Et je me suis retrouvé dans une assez grande solitude, dans ce cadre un petit peu sinistre, en retrait du port. Par contre, le port est un endroit absolument prodigieux, on en reparlera certainement. Mais pour en revenir à votre question, pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai décidé, en cours de route, de choisir ce titre, c'est que j'ai éprouvé le besoin de m'affirmer, de dire, eh oh, mais Je suis là, moi aussi, parce qu'en fait, les gens sont extrêmement pudiques. Moi-même, je crée assez difficilement des liens. Et donc, je me suis trouvé apparemment invisible, errant dans ces espèces de ruines. Et j'ai eu comme un besoin d'affirmer mon existence. Bon, ben, qu'est-ce que je fais, moi, là maintenant, je suis en retraite, ben, je suis écrivain, je fais mon travail d'écrivain, et me voilà, et je vais parler de ce pays, je suis ici présent. Ça a été cette espèce d'élan en cours de route. Pardon, Marie. Non, juste pour rebondir sur le ici présent, parce qu'il n'y a pas que ici présent dans votre livre, il y a aussi une sorte de ailleurs absent. Oula. Parce que c'est l'histoire d'un personnage qui revient, donc qui a été absent pendant quelque temps, qui était ailleurs. Oh, je n'ai jamais vraiment habité à Saint-Guinolé avant. Hein. J'étais passé une fois il y a 30 ans. Non, j'avais pas l'impression de revenir. J'avais vraiment l'impression d'arriver véritablement pour la première fois. Le passage d'il y a 30 ans était extrêmement épisodique. C'était de quelques heures. C'est un personnage qui vient, qui est nouveau, qui est inconnu de tout le monde. Alors, votre manière d'être ici présent, bah, c'est d'avoir écrit un livre qui s'appelle Ici présent. C'est un récit de terriens. C'est-à-dire que dans les termes que vous employez, voire même dans les procédés littéraires que vous employez, il y a presque une manière maritime d'écrire. Est-ce que c'est une manière de poursuivre votre connaissance de la mer, qui est très grande, sur terre, c'est-à-dire de tirer des bords, mais à vélo? Alors effectivement, le vélo remplace le bateau, cette fois-ci. Ce n'est pas complètement sans analogie, d'ailleurs. Il y a une façon de partir à vélo qui rappelle un peu les départs en bateau. En tout cas, on change un peu de nature, on n'est plus terrien, on devient aérien à vélo. Vélos, de temps en temps, encore qu'il ne faille rien exagérer, je ne vais pas très très vite. Oui, il y a le récit de certaines côtes que vous avez du mal à franchir, mais enfin bon, en général, vous y arrivez quand même. Oui, parce qu'il n'y en a pas, en fait. Et pour moi, le pays s'arrête à peu près aux premières côtes qu'on rencontre, sauf cette fameuse côte dont vous parlez, qui est au cœur du sujet. Mais ça, bon, celle-là, bah, tant pis, j'arriverai peut-être un jour à la monter jusqu'en haut, mais pour l'instant, non. Alors, à plusieurs reprises, vous avez commencé à en parler. Vous décrivez un sentiment d'être une personne un peu déplacée. Est-ce que c'est un statut qui vous convient ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez cette situation comme ça, d'être presque un fantôme dans un village lui-même fantomatique pour des raisons économiques que vous avez décrites? Ça a été un port extrêmement prospère, Saint-Guinolé, il est hélas beaucoup moins aujourd'hui. Mais est-ce que ça vous convient, cette situation un peu clandestine? Je sais pas si ça me convient vraiment. Non, oui, ça revient toujours, mais pourtant, en particulier à Saint-Guinolé, j'étais plutôt un peu demandeur, et surtout, j'avais le sentiment de ne pas être déplacé dans ce pays. Je connais la mer, et je vous dis, la ressemblance avec l'île de Saint a été très importante, parce que je me suis dit, mais tout ce que je vois là maintenant, les pêcheurs qui reviennent, etc. Moi, j'ai connu ça, j'ai fait la même chose. Il y a juste un petit point de détail, c'est que j'ai 40 ans de plus. Et ça fait la différence. À l'île de Saint, j'avais une fonction bien précise, j'étais gardien de phare, j'étais admis et reconnu. Donc là, je ne suis plus rien, sauf écrivain, finalement. Et admis, reconnu à l'île de Saint, pour juste remonter donc quelques dizaines d'années en arrière, est-ce que vous étiez vraiment reconnu? Parce qu'on dit que les Sénans n'ont pas la reconnaissance facile des gens qui ne sont pas de l'île de Saint. Néanmoins, étant gardien de phare d'Armen, je pense que j'avais franchi le pas de ce côté-là et je me suis quand même fait de très très solides amitiés, je crois, oui. Oui, je crois que j'étais vraiment très très très admis à l'île de Saint. Mais il faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le phare d'Armen, c'est une certaine épreuve d'être gardien de phare, d'avoir été, car il n'y a plus de gardien de phare à Armen, ils ont été automatisés. Mais à l'époque, ça devait être sportif quand même d'être gardien de phare à Armen. Oui, tout de même, oui. Mais pour en venir à ce plaisir de tirer des bords, vous avez aussi ce plaisir-là. On a l'impression avec pour continuer la métaphore maritime, vous avez le goût des mots et des mots très précis, comme les marins aiment employer des termes extrêmement précis, tout à fait codés d'ailleurs pour l'ensemble des gens qui n'ont pas cette science maritime. Est-ce que vous avez eu ce même plaisir comme ça? Bah, je vous remercie de dire ça, parce qu'effectivement, j'attache une très grande importance à la précision de mon travail. Oui, c'est, je le compare un petit peu dans ce livre au travail de certains pêcheurs, enfin des ligneurs essentiellement, ceux qui pêchent vraiment avec une science aiguë des fonds du coin et à l'hameçon, quoi, à la ligne. J'avoue que je trouve cette pêche plus intéressante que le chalut, c'est évident, c'est plus... Et pour moi, j'ai l'impression de travailler un petit peu de la même façon. Je me suis donc mis à mon travail comme eux, très tôt le matin, comme eux quand ils s'en vont, et j'ai fait mon métier comme ils faisaient le leur, en somme. Et avec, j'espère, autant de précision. Et... Est-ce que vous aviez un plan de travail, Jean-Pierre Abraham, aussi bien dans vos pérégrinations à vélo que dans votre manière d'écrire? C'est-à-dire que vous, est-ce que vous aviez des cartes? Est-ce que vous décidiez tel jour d'explorer tel coin ou tel autre et d'en faire le compte-rendu précis en rentrant le soir ou en écrivant le matin? Je ne sais pas comment vous travaillez. Mais est-ce que vous aviez un plan comme ça en tête d'arpenter le territoire à votre façon, en tout cas? Ben, le plan s'est construit peu à peu. Au départ, c'est une chronique, en fait, où je raconte mon arrivée, l'installation, la découverte des alentours. Mais bien entendu, j'avais l'intention d'explorer un petit peu le pays, c'est ce qui est normal. Et il se trouve qu'en face de ma fenêtre, de l'autre côté de la place qui était autrefois la place de la gare, par l'ancienne voie de chemin de fer, qui est devenue une piste cyclable. Alors, c'est extrêmement tentant, elle part à travers le marais de la joie. Forcément, il y a un jour... Et oui, ce marais s'appelle le marais de la joie. Oui, c'est le marais de la joie. Il y a la chapelle de la joie, la rue de la joie. Donc tout n'est pas mélancolique dans ce coin. Non, quelquefois, des jours, on se demande vraiment pourquoi. On a choisi ces noms, mais tant mieux. C'est la joie au péril de la mer aussi. La chapelle s'appelle comme ça. Bon, toujours est-il qu'aussi, en regardant un petit peu ce qui avait été écrit sur le pays, parce que Pamard a aussi un passé tout à fait extraordinaire. C'est avant le désastre de ce siècle, au XVIe siècle, c'était un pays extrêmement riche, c'était un des plus grands ports d'Europe, ce qui paraît extraordinaire, et là aussi il y a eu des dévastations. Bref, je me suis intéressé à l'histoire du pays, et parmi toutes les choses que j'ai pu lire, je me suis intéressé en particulier à l'histoire des petits chemins de fer dans le temps, et justement, c'est à partir de là, peut-être que j'ai bâti mon plan de circulation à vélo, sachant bien, me doutant bien que les ingénieurs des chemins de fer avaient dû éviter les plus grosses pentes, trouver les vallées, etc. Et donc, à partir de là, oui, j'ai bâti un petit peu un plan, un circuit. Alors, il y avait combien de lignes de chemin de fer dans le coin à l'époque? Là, il y avait une seule. À l'époque, ça, tout a été supprimé avant-guerre, à peu près, non? Oui, la ligne de Saint-Guenelé a duré jusqu'à un petit peu après la guerre, quand, oui. Mais c'était la ligne du bout du monde, quoi. Elle arrivait là, sous ma fenêtre, c'était vraiment le terminus. C'était une ligne qui rejoignait Pont-l'Abbé, et à partir de là, il y avait une ligne partant vers Quimper. Mais il y en avait une autre très intéressante, et c'est celle-là que j'ai pris après, qui repartait vers le nord-ouest en direction de Pont-Croix et d'Audierne. Mmh. Voilà. Jusqu'à la pointe du Raz, même, je crois. Une époque, il y a eu un petit train. Il en a été question, mais je ne suis pas certain. Non, non, je crois qu'il... Enfin, je ne sais pas. Non, on ne tranchera pas ce soir ce point délicat. Et ce réseau qui a pratiquement disparu. Ah oui, qui a disparu. Il reste effectivement les gares, mais il faut avoir les yeux bien ouverts pour réaliser que ces pistes n'étaient pas des pistes, mais des voies de chemin de fer. C'était la carte comme ça invisible que vous aviez posée pour vos pérégrinations sur le pays. Ben oui, j'ai trouvé que c'était assez commode puisque je voulais faire ça à vélo. J'ai trouvé que ça tombait bien. Évidemment, il y a des endroits où il n'y a plus la moindre trace de voie, donc on arrive aussi à s'y perdre un petit peu, puis heureusement, parce que ça serait quand même pas très drôle d'être tout le temps sur une piste cyclable. Mais enfin, bon, ça a correspondu tout à fait à ce que j'espérais comme ligne frontière du pays que j'appelle le Cap Cadral. Alors Jean-Pierre Abraham, on parlait de ce coin, parce que c'est presque aussi un coin enfoncé dans la mer, cette région de Saint-Guenolé, autour de Kériti-Pamar-Saint-Guenolé. Est-ce que... On a l'impression qu'il y a un projet sur le paysage dans ce livre. Marie pensait beaucoup à Thomas Hardy ou à Barbey d'Aurevilly. Oui, ou à Barbey d'Aurevilly, oui, sur cette manière de décrire la campagne. Une campagne qu'on ne connaît pas forcément. Pour ceux qui connaissent la Bretagne, on la visualise vaguement, mais si on ne la connaît pas. Et en même temps, vous nous la... vous nous l'attendez, quoi, comme si on pouvait nous aussi l'arpenter avec vous, et comme, comme si on en faisait le tour du locataire, non pas du propriétaire. Ben oui, j'essaie de décrire un petit peu ce paysage qui me touche beaucoup. Il faut les références que vous citez m'honorent, bien entendu. Moi, je fais ce que je peux à ma façon. Oui, j'essaie de faire ressentir peut-être l'esprit d'un paysage tel que je le ressens, mais uniquement avec des notations tout à fait concrètes et un peu au hasard du chemin, en avançant, en vagabondant, quoi. C'est très hasardeux, en fait, comme démarche. Et vous aviez cette intention aussi de donner au lecteur la sensation qu'il était d'une certaine manière chez lui, de donner une certaine familiarité, voilà. Créer une familiarité. J'avais pas véritablement d'intention, je peux pas dire, non. Je me lance dans une description comme ça, pour essayer de ressentir ce que moi-même j'ai éprouvé, ce que j'aime dans ce pays, comme j'en ai aimé certains autres. C'est quand même ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture, c'est de montrer, enfin de valoriser, enfin de montrer ce qui est intéressant, ce qui est positif, ce qui est beau dans un pays. Et ça ne concerne pas seulement le paysage, ça peut être aussi les gens, ça peut être les visages, c'est tout un ensemble de choses. Alors à un moment donné, Jean-Pierre Abraham, vers la fin du livre, vous dites que vous n'êtes pas du tout doué dans les descriptions de ciel, et là vous êtes un sacré menteur, puisque une trentaine de pages auparavant, page 59, vous écrivez à propos du ciel. Le ciel est resté couvert, il faut dire qu'il fait de la brume ce jour-là. Le ciel est resté couvert d'un voile ténu, uniforme. Impossible de le regarder sans fermer les yeux à demi, la main en visière est inefficace. Comment se protéger d'une lumière qui vient de partout à la fois, intense, étale, sans foyer? C'était peut-être celle-là, la lumière du premier jour du monde, celle d'avant le soleil, qui ne fut créée que 3 jours plus tard. Alors, quand vous dites que vous ne savez pas décrire le ciel des environs de Saint-Guédolé, vous exagérez, bon. Parce que là, je viens de, je crois, apporter aux auditeurs la preuve du contraire. Mais est-ce que vous avez aussi eu, dans cette manière insistante de revenir sur les paysages, sur la couleur du ciel, sur la mer aussi, où il y a des descriptions assez magnifiques de la mer, une volonté aussi pour vous, écrivain, d'épuiser d'une certaine manière? Vous savez, il y avait la fameuse tentative d'épuisement d'un lieu par Georges Perec, c'était la place Saint-Sulpice. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, cette envie d'épuiser ce lieu et ces paysages tout autour de Saint-Guédolé? Oh non, ça ne correspond pas à une envie. Enfin, je pense que de toute façon, je n'aurais pas réussi à les épuiser. Oui, vous savez, comme on dit quand on rentre d'une balade à vélo, quand on est gamin, on dit « nous rentrâmes fatigués mais contents ». Voilà, c'était au sens de cette fatigue-là dont je voulais parler. Ah oui. Je ne saurais pas trop quoi vous dire, là, parce que ma démarche n'est pas du tout intellectuelle. En fait. Donc, je n'ai pas véritablement d'intention, en fait. Donc, je suis un peu penaud pour vous répondre sur ce genre de choses, parce que j'y ai pas véritablement réfléchi, quoi. J'avance comme je peux. Mais on vous sent une âme d'arpenteur, quand même. On sent que vous aimez arpenter. Ah ben oui, ça certainement. J'aime bien. Et c'est tellement vrai qu'à un moment, vous décrétez qu'il y a une frontière. Une frontière dont vous êtes le seul, d'ailleurs, à prouver l'existence. Vous décidez qu'il y a un poste frontière, qu'il y a une frontière au-delà de laquelle vous n'irez pas, vers le nord. Et c'est une fameuse côte. C'est une côte qui est couronnée de 2 ou 3... pain maritime. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est pas loin de Tronoël, mais on ne va pas dire exactement où est de l'étang de Travel. Mais vous décidez quand même, quand Marie parlait d'arpenter, effectivement, de faire un travail comme ça, presque de géomètre, en disant mon pays, en tout cas le pays qui est le mien aujourd'hui, s'arrête ici. Oui, voilà, assez spontanément. En fait, la côte m'a bien aidé à concrétiser la frontière nord. Elle est rude. Elle est très rude, très très rude, et je suis extrêmement vexé dans les livres de voir une jeune fille qui me passe devant avec son vélo et qui arrive jusqu'en haut, alors que... Elle peine un peu vers le haut, hein. Mais vous savez que c'est quand même un exploit, je vous assure, c'est quand même un exploit d'y arriver, parce que les derniers mètres, c'est... invraisemblable. Non, moi je suis rendu à la moitié à peu près, quoi. Mais il paraît que là-bas, certains appellent ça les petites Pyrénées. Hein. Ah, c'est bon. Dire si la côte est rude. Et puis pour ceux qui ont vu le film western, on voit cette côte. On voit absolument, hein, cette côte avec les deux clampins là-haut qui arrivent en gesticulant, et la caméra part en arrière à toute allure, si j'ose dire. Oui, on sent qu'elle aussi a senti qu'il y avait de la pente. Oui, oui. Et il y a aussi quelque chose qui est très frappant et plaisant dans votre livre, c'est une espèce de va-et-vient entre justement une familiarité incroyable avec les ambiances. On respire presque l'humidité par moment et puis le soleil à d'autres. Et puis aussi un dépaysement très profond. Tout ça pour vous dire que une des grandes qualités de votre livre, entre autres, c'est qu'il n'est pas pittoresque. Par exemple, on ne peut pas dire que c'est un livre bretonnant. Ah non, sûrement pas. Je n'aime pas du tout le pittoresque. Et ce que j'ai aimé, justement, dans le film western dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est que Manuel Poirier a réussi à éviter toutes les belles photos, toutes les cartes postales, et Dieu sait qu'on peut en faire dans ce coin-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé la façon dont il a présenté le pays. C'est très juste, c'est comme ça aussi que je le ressens, quoi, en dehors de tout. Et effectivement, ce n'est pas du tout de la littérature bretonne, je ne crois pas. Non, non, j'ajouterais heureusement. Ah ben ça, c'est vous qui le dites. Alors, même pour... quand vous citez quand même des événements qui sont, on va dire, là, pour le coup, typiques ou pittoresques, par exemple, une fête organisée un soir pour amener un peu d'argent pour la restauration d'une fameuse tour carrée qui est dans le coin, et ben vous n'êtes pas à la fête, vous êtes à la caisse. Donc, vous tenez la caisse, vous acceptez de donner un coup de main. On sent que pour vous aussi, c'est une manière de faire connaissance aussi avec d'autres gens du coin. Mais là aussi, vous restez à l'entrée de la fête. Il n'y a pas de description de ce qu'on appelle là-bas un fest-noz. Vous n'en parlez pas, vous ne prononcez même pas le nom, surtout pas le nom. Là aussi, on a l'impression qu'il y a une volonté de rester très en retrait vis-à-vis de toutes ces... Oui, de tout cet mouvement contemporain, comme ça, de pittoresque, de folklore, de fêtes où on croise souvent beaucoup plus de touristes, d'ailleurs, que de locaux. Oui, en fait, là, je ne l'ai quand même pas vraiment voulu, puisque je le dis dans le livre. Vous avez vraiment été caissier. Oui, mais j'aurais voulu tenir une buvette. Ah. Être donc au cœur du sujet, parce que ça m'est déjà arrivé dans quelques fêtes à droite et à gauche, de tenir la buvette, et c'est quand même l'endroit clé où il se passe vraiment l'essentiel. Mais non, là, les buvettes, c'était réservé aux anciens de l'association. Attention, on ne touche pas à ces postes-là, ces postes clés. Et donc, je me suis retrouvé à une caisse, mais c'est tout, je suis très obéissant, on m'a envoyé à une caisse assez éloignée du centre de la fête, et puis voilà. D'ailleurs, vous précisez que, d'ailleurs, à propos de cette fête, on sait qu'il y aura du biniou, parce que il y a une dame qui s'est déplacée en disant non, mon mari ne viendra pas parce qu'il a horreur du biniou. Oui, bien sûr. Ouais. mais c'est terminé, la référence au biniou, elle est là et elle ne revient jamais. Vous n'en parlez pas. Parlez pas éventuellement du concert qui va avoir lieu après. Ben non, parce que j'étais heureusement trop loin. On vous a même, vous racontez quand même qu'on vous a presque oublié d'ailleurs. Oui, sur la fin, ça c'est très drôle. Oui, elle était vraiment dans une petite. Dans une la entrée nuit. Une entrée très secondaire. Au coin d'une petite rue. Et oui, sur la fin, je crois qu'on nous avait pas mal oublié. Oublié. Oui. Vous avez aussi une vraie discrétion, très intrigante pour les noms propres et les noms de lieux. Alors, il y a un nom de lieu qui est cité, c'est un panneau qui indique un lieu dit mystérieux qui s'appelle Tournissy. Oui. On va savoir pourquoi ça s'appelle Tournissy, mais c'est un endroit là-bas qui s'appelle Tournissy. Et puis aussi, vous parlez d'un fort qui vous rappelle le fort du désert des Tartares, qui est sur la côte. Il me semble que là-bas, tout le monde appelle ça l'usine à galets, puisque c'était un bunker qui avait été construit par les Allemands pour le mur de l'Atlantique, un fournir du ciment et du béton. C'était un concasseur de galets. Il y avait un petit train qui partait de là jusqu'à Pont-l'Abbé pour emmener... Mais vous voulez pas l'appeler comme ça? Ça, c'est très... Je fonctionne complètement à l'intuition sur ces choses-là. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, tout d'un coup, un nom propre et réel me paraît à sa place, et pourquoi à un autre moment, non, ça passe pas. C'est peut-être une question de rythme, des phrases, je sais pas. Là, je me laisse aller à mon intuition. Par exemple, si il y a une plage au nord de Saint-Guinolé qui s'appelle Porskarn, c'est évident, et ben j'ai pas réussi à mettre Porskarn dans mon livre, j'ai toujours dit la plage du Nord. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et vous n'arrivez pas à donner à ce pétrolier son nom, Jean-Pierre Abraham, ce pétrolier qui a donc un nom de princesse. Oui, mais ça, je trouvais que c'était amusant, disons. Enfin, amusant. Et oui, c'est l'Erika, mais ça, vous ne l'appelez pas par son nom. Vous y consacrez une dizaine de lignes au naufrage de l'Erika, dont on sait qu'il a été une catastrophe épouvantable, et pas simplement pour Saint-Guénolé, mais enfin c'est quand même là qu'il s'est planté. Oui, mais finalement non, sur Saint-Guénolé même, on en a ressenti assez peu l'effet, c'est plus au sud quand même. Mais ça vous faisait de la peine de prononcer ce nom d'Erika et d'avoir dit que ce pétrolier avait un nom de princesse? Non, c'est du même ordre que ce que je vous disais à propos des noms de lieux, je sais pas, j'ai pas... Mais vraiment, je sais pas dire pourquoi. Là, je me fie à une espèce d'oreille intérieure qui fait que, voilà. Comment vous voyez cette histoire de naufrage de l'Erika? Comment ça s'est passé là-bas? On a l'impression, pour y avoir pataugé soi-même, qu'il y a eu de nouveau une... Je trouve que les gens là-bas se sont drôlement bien tenus. Il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de manifestation. Il y a eu tout de suite des gens qui sont précipités pour commencer à nettoyer la côte. On dit beaucoup de mal des Bretons, on devrait en dire du bien plus souvent, parce que là, ils se sont drôlement bien tenus, là, tous les gens du coin. Oh ben, ils se tiennent toujours très bien dans les coups durs, les Bretons, je pense. Ça, ça ne, vous ne pensez pas que c'était, ça a été un coup de trop, là, cette fois? Oh ben, c'est évident, mais on le dit à chaque fois, quoi. C'est un coup de trop, c'est un peu désespérant, parce qu'on n'a pas l'impression que les choses évoluent beaucoup. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses évoluent? Vraiment, j'en sais rien, c'est vraiment un peu désespérant. Alors, vous parlez beaucoup de photographie dans ce livre. Vous faites beaucoup de photos. Et heureusement, à un moment donné, vous doutez de ce que vous êtes en train de faire. Et vous dites d'ailleurs pourquoi faire. Et puis vous répondez pour pouvoir dire bêtement, j'étais présent ici, à cet instant, j'existais. Pourquoi vous dites bêtement? Ben parce que je trouve que c'est bête, oui. Et je pense que je le prouve après, le jour où tout d'un coup, j'ai pas de pellicule. Et je m'aperçois que c'est beaucoup mieux comme ça, et que j'ai l'impression d'être bien plus présent et bien plus mêlé à ce moment extraordinaire qu'est le lever du soleil, finalement sans avoir besoin du déclic de l'instant propre. Il me semble que l'instant s'est élargi à ce moment-là, et que la photo était une facilité, je sentais ça un peu comme une facilité. Il vaut mieux soit tout simplement regarder, soit peut-être écrire... En plus avec le danger de la carte postale, parce que la carte postale guette quand on fait des photos là-bas. Oui, ben là j'habite un appartement qui est quand même situé de façon très extraordinaire, très en hauteur, et j'ai quand même l'horizon de tous les côtés, enfin disons du nord-est jusqu'à l'ouest, et donc j'ai suivi les levées de soleil, pardon, absolument extraordinaire, se déplaçant tous les jours dans le paysage, ça c'est quand même assez fabuleux. Alors vous avez quand même mis une photo de vous hein, à la couverture, mais alors il faut vraiment savoir ce que c'est. Il faut courir sur la dernière page pour apprendre donc que c'est un morceau... C'est sur le rabat, oui. C'est le rabat, voilà. Alors en couverture, support de gouttière à la fenêtre du sud, photo de l'auteur. Heureusement, vous nous précisez que c'est un morceau de gouttière à la fenêtre du sud. On dirait un profil, on dirait voilà, tout ce qu'on veut d'ailleurs. C'était très étonnant. Et c'est abstrait. En penchant à ma fenêtre, sur ma gauche, je voyais ce... Alors, vous dites à un moment donné aussi que vous êtes sur un léger qui-vive permanent là-bas, qui vous amène à vous interroger sur aussi les gens qui vivent dans ce port de Saint-Guénolé ou autour. Vous les décrivez de façon assez fantomatique en général. Vous leur donnez des prénoms, mais rarement des noms, sauf quand c'est des noms fameux dans le coin. Vous n'aimez pas non plus appeler les gens par leur nom. Vous aimez garder le même mystère que vous avez sur les lieux-dits ou sur les paysages ou sur les endroits que vous avez arpentés à vélo. Je crois que ça se passe pas tout à fait de la même façon. Je donne beaucoup de prénoms de femmes. Oui, ça on a remarqué. Oui. Il y en a même des cascades par moment. C'est-à-dire que prise individuellement. Quand je parle vraiment d'un personnage, j'ai changé le prénom. Mais j'ai fait un paragraphe où tous les noms sont vrais. J'ai fait une espèce de photo de groupe, si on peut dire. C'est un peu ma carte du tendre, uniquement avec des prénoms de femmes allant du nord au sud, en passant par l'est. Ça, j'ai bien aimé faire ça. Jean-Pierre Abra... Oui, pardon. Juste, et puis il y a le prénom d'un petit-fils. Oui, il y a un petit-fils... Qui est né pendant la rédaction de ce livre. Qui apparaît au virage d'une phrase. Voilà. Jean-Pierre Abraham, vous êtes heureux de vivre à Saint-Guénolé? Ça vous plaît? Vous pouvez dire, je suis présent ici, à cet instant, j'existe? Oui, je pense que maintenant que ce livre est fait, et c'est quand même... Assez difficile à réaliser. C'était quand même une volonté, effectivement, de s'affirmer. Je pense Alors c'est peut-être très prétentieux, et quand je vais rentrer demain, on va me dire je pense pouvoir être présent là-bas, oui, maintenant être reconnu, parce que je crois que j'ai quand même parlé du port exactement comme il est, qui est le port le plus insolent qu'on puisse imaginer, et qui m'a fasciné beaucoup. Je pense que les gens ont compris aussi, même ceux dont j'ai l'air de me moquer un tout petit peu, tout le monde a bien compris que je les aimais bien. À preuve, l'autre jour, j'ai signé mon livre chez le marchand de journaux d'en dessous, et ça a été quand même très très passionnant. J'ai vu tous mes personnages et ça, tout allait bien. Bah, je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Abraham, d'être venu parler de Ici Présent. C'est votre dernier livre, votre dernier roman, car il y a du roman dans ce livre. C'est publié aux éditions Le Temps qu'il fait. Ça coûte 97 francs. C'est pas cher payé pour un beau livre. Merci, Jean-Pierre Abraham. Merci à vous deux.